s'appelait Maurice, cette nuit il était moribond. Il ne valait plus tripette, mais il fallait tenir bon. Il s'appelait Barnabé, elle mettait du sang bon, toujours très bien apprêté pour soutenir son compagnon. Ils sont allés chez le docteur pour lui parler de leur malheur. Il a fini par lui prescrire la petite pilule qui rend le sourire. Ils sont repartis clopin clopant vers l'officine sans perdre de temps pour pouvoir enfin découvrir la petite pilule qui rend le sourire. Pour retrouver la forme d'antan pour la partie nous concernant. Ils ont franchi tous les tabous dans la cuisine, dans la gadoue, avec en plus plein de joujoux à rendre les jeunes très jaloux. On les retrouve un beau matin, tous les deux la main dans la main. C'était la fin de leur voyage, ils ont tourné la dernière page. Ils reposent là dans ce caveau bleu, une épitaphe en plein milieu. Ici un couple dangereux a pris le diable par la queue. Elle s'appelait Maurice, cette nuit il était moribond. Il ne valait plus tripette, mais il fallait tenir bon. Il s'appelait Barnabé, elle mettait du sang bon, toujours très bien apprêté pour soutenir son compagnon.